nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila ndugu na kila dada mchina Bwana Yesu Kristo. Nous avons quelques salutations, quelques vœux qui vous ont été envoyés par les hommes de Dieu. Tukuna masalamu na kumitakia mwaka mpya kwa batumishi ya mingi ya kwa chana chana. Il y a le pasteur Aaron Tiungu. Kuku pastori Aaron Tiungu. Le pasteur Kazumba. Pastori Kazumba. Le pasteur Jankeba à Banzangungu. Pasteur Jankeba kule ku Banzangungu. L'homme de Dieu fidèle. Mutumishi wa Mungu fidèle. De Luambo. Wa ku Luambo. Le pasteur Oscar Bwashi. Pasteur Oscar Bwashi. Le pasteur David Chilenge. Pastori David Chilenge. Il y a l'homme de Dieu Oscar Banza. De Lubumbashi. Kuku mutumishi wa Mungu Oscar Banza wa Kulubumbashi. Il y a le pasteur De Paul. Kuku pasteur De Paul. Il y a le pasteur Elisha Kitumaini de la France. Kuku pasteur Elisha Kitumaini wa France. Le pasteur Philippe de Bunia. Pasteur Filippo wa Kubunia. Le pasteur Vianney de Kigali. Pasteur Vianney wa Kigali. L'ancien sera de Kakanda. Mzee sera wa Kakanda. Le pasteur Kayembe de Benin. Pastor Kayembe wa Kubene. Ils vont saluer. Bari msalimia. Et ils vous ont présenté les meilleurs vœux pour cette année 2021. Na bana mitakia mwaka mzuri ya 2021. Sans tarder, levons-nous pour la lecture de la parole. Bila ugawia tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dieu notre Père. Mungu Baba Yaitu. Ce matin, avec nos cœurs inclinés. Asubuhi ya leo na mioyo yetu yenye kuinama. Nous te disons grand merci. Tunasema asanti sana. Parce que toi tu as permis que ce culte soit là. Juwe Mungu uliruhusu ibada ipate kufanyika. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Usamehe mazambi zetu na maovu zetu. Et accorde-nous la victoire en Christ. Utupatie ushindi ndani ya Kristo. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Tunakuomba mujina ya Yesu Kristo. Donne-nous de la force de marcher. Utupatie nguvu ya kutembea. Avec ta parole et dans la foi. Pamoja na neno lako na ndani ya imani. Jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Kufika na mwisho wa maisha yetu hapa pa dunia. Toutes les faiblesses qui se sont révélées dans l'année passée. Mabuzaifu yote ilionekana mwaka ilimalizika. C'est toi seul qui peux les réparer. Wewe pekee ndio unaweza kuitengeneza. Toi seul tu peux nous fortifier. Wewe pekee unaweza kututia nguvu. Pour que nous puissions marcher comme des vainqueurs. Juu tupate kutembea sawa washindaji. Aide chaque frère et chaque sœur. Saidia kila ndugu na kila dada. Et bénis chacun de nous. Na ubariki kila mmoja wetu. La parole peut être rapportée. Neno inaweza kubiriwa. Mais ce n'est pas le prédicateur qui change les gens. Lakini ana mhubiri ule anaweza kubadilisha watu. Mais c'est toi seul qui a la puissance de transformer. Wewe pekee ndio kuna uwezo wa kubadilisha. Fais-le dans chacun de nous pour la gloire de ton nom. Oui, fanye ndani ya kila mmoja wetu juu ya utukufu wa jina lako. Bénis cette église d'une manière particulière. Ubariki kanisa namna ya upekee. Bénis tous ces conducteurs. Ubariki viongozi byayo. Que tout se fasse pour la gloire de ton nom. Yote ifanyike juu ya utukufu wa jina lako. Bénis la parole que nous allons lire. Ubariki neno ile tutasoma. Soit avec nous ce matin. Uwe nasi asubuhi ya leo. Et sois honoré en toutes choses. Na uheshimiwe mubitu byote. Honore ton fils bien-aimé. Mujina mwana wako mpendwa. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bwana wetu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Ezra chapitre 6. Ezra sura yake ya 6. Dans son verset 13. Mustari ya 13. Tatnaïm. Le gouverneur de l'autre côté du fleuve. Liwali wa ile ngambo ya mto. Shetar Boznaï. Et leurs collègues. Na wajirani yabo. Se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Wakambatana kabisa kabisa na hii agizo ile mfalme Darius aliwatumia. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée le prophète. Na wazee wa Yuda wakajenga mzuri mzuri kufuatana na matabiri ya Agée nabi. Et de Zacharie fils d'Ido. Na ya Zacharie mwana wa Ido. Ils bâtirent et achevèrent. Pakajenga na kumaliza. D'après l'ordre du Dieu d'Israël. Kufuatana na agizo ya Mungu wa Israeli. Et d'après l'ordre de Cyrus. Na kufuatana na agizo ya Cyrus. De Darius. Na ya Darius. Et d'Artaxerxès. Na ya Artaxerxès. Roi de Perse. Mufalme wa Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar. Na nyumba ikamalizika siku ya tatu ya mwezi ya Adar. Dans la sixième année du règne du roi Darius. Mutawalo wa miaka sita wa mfalme Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites. Batoto ya Israeli, bakuani na balawi. Et les restes des filles de la captivité. Na mabaki ya batoto bafungwa. Firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Bakatolea na fura yote hii nyumba ya Mungu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison. Bakatoa juu ya masadaka kwa ajili ya kutolea kwa hii nyumba. 100 taureaux. Bangombe mia. 200 béliers. Ba buzi dume mia mbili. 400 agneaux. Mia ine ya wakondolo. Et comme victime expiatoire pour tout Israël. Na sawa zabiu juu ya Israël mzima. 12 tribus d'après le nombre des tribus d'Israël. 12 ya makabila kufuatana na kabila ya Israeli. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem. Pakaweka bakuani kufuatana na macheo yao, balawi kufuatana na wingi yao, juu ya kazi ya Mungu ku Yerusalema. Comme il est écrit dans la loi de Moïse. Paka vile imeandikwa musheria ya Musa. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Au temps du roi Darius, Mwakati ya mfalme Darius, le roi de Perse, mfalme wa Perse, la reconstruction du temple à Jérusalem, majengo ya hekalu kule ku Yerusalema, repris sous la conduite d'Agée, ikaanzishwa chini ya ongozi ya Agée, de Zacharie, na ya Zakaria, de Josué, ya Yoshua, et de Zorobabel, na ya Zorobabeli. Malgré toutes les accusations contre les Juifs, ata vile baristaki bayuda, Dieu accorda aux Juifs un cœur courageux. Mungu alipatia bayuda moyo ya odari. Ils étaient sans peur. Balikuwa bila oga pour s'atteler à la reconstruction de la maison de Dieu. Juu ya kuambatana kwa majengo ya nyumba ya Mungu. La grâce de Dieu fut sur le roi Darius. Neema ya Mungu ilikuwa yulu ya mfalme Darius. Après son autorisation, kisha yeye kuruhusu, les travaux de la maison continuèrent. Makazi ya majengo ya nyumba iliendelea. Jusqu'à la fin de ces travaux en 516. Kufika na mwisho ya ile makazi ya majengo mu 516. La lettre du roi Darius. Barua ya mfalme Darius se trouve Dans Ezra chapitre 5. Inapatikana Ezra sura 5. Comme nous l'avons lu hier. Paka vile tulisoma jana. Dans Ezra chapitre 6. Ezra sura kesita. La confirmation de l'ordre de Cyrus. Akikisho ya gizo ya mfalme Cyrus. Et l'autorisation de rebâtir la maison de Dieu fut donnée par Darius. Narusa ya kuyengulula nyumba ya Mungu ilipewa na mfalme Darius. Et sans de, dans ce même chapitre, nous voyons la fin des travaux comme nous venons de les lire ici. Musura moya moya tukunaona mwisho ya makazi mpaka vile tunatoka mkuisoma. Et la dédiction, la dédicace de la maison de Dieu. Nakutolea consacré, nakutolea kwa nyumba ya Mungu ilifanika. Et après cela, la Pâque de l'Éternel fut inaugurée. Na kisha ile Pasaka ya wa milele ilianzishwa. Le 14e jour, siku ya 14 du premier mois, ya mwezi ya kwanza. Après la dédicace du temple, kisha kutolea kwa hekalu. Et après l'achèvement de toutes ces choses, na kisha kumalizika kwa hii makazi yote, le roi Artaxès II, mufalme Artaxès wa pili, maintenant c'est son fils sous son deuxième mandat, sasa ni mwana wake chini wa utawalo ya pili, il donna un ordre au sacrificateur Ezra. Arleta agizo kwa mukuani Ezra, un scribe et un homme versé dans les saintes écritures, mwandishi na mtu mwenye kujitoa mu maandiko takatifu, il lui donne l'ordre d'aller à Jérusalem, akampatia agizo ya yeye kwenda ku Yerusalema, pour instruire le peuple, juu ya kufundisha taifa. Après la dédicace du temple, kisha kutolewa kwa hekalu, et la célébration de la Pâque de l'Éternel, na kisha kushangilia kwa Pasaka ya wa milele, le scribe Ezra reçut l'ordre du roi. Huyu mwandishi Ezra alipokea agizo ya mfalme d'aller à Jérusalem pour instruire le peuple. Ezra était accompagné de Daniel, na Danieli, de Zacharie, na Zacharia, de Zaïe, na Isaïa, d'Abdias, na Abdias, de Jonathan, na Jonathan, et des autres chefs na wakubwa wengine d'Israël, wa Israeli. J'aime que vous reteniez cette chose dans votre cœur. Ninapenda mupate kushika hii kitu ndani ya moyo yenu. Ezra n'était pas allé à Jérusalem pour bâtir la maison. Ezra yeye sikwende ku Yerusalema juu ya kuyenga nyumba ya Mungu. Il n'avait pas de mandat pour aller reconstruire la ville. Yeye avakumutume juu ya kwenda kuyengulula muji. Mais un seul mandat qu'il avait, alakini kazi moja tu alipewa, c'était d'aller instruire ya kwenda kufundisha ce peuple qui avait achevé le temple de Dieu, kwa kwenda kufundisha hao watu walimaliza majengo ya hekalu ya Mungu, et qui était dans la première expédition, na wale walienda kama kundi ya watu ya kwanza. Vous pouvez lire Ezra chapitre 7, unaweza kusoma Ezra sura 7 du verset 1 jusqu'au verset 28, kuanzia mstari ya kwanza ufika na 28. Dans le verset 6 je lis, mstari ya 6 mimi nasoma, cet Ezra vient de Babylone. Huyu Ezra kuja kutokea Babeli. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Alikuwa ni mwandishi mwenye kujitoa musheria ya Musa. Donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mwenye kupewa na wa milele Mungu wa Israeli. Et comme la main de l'Éternel son Dieu était sur lui. Sawa vile mkono ya wamilele Mungu wake ilikuwa yulu yake. Le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Mufalme akampatia ile yote yeye aliomba. Dans son verset 8, msari ya 8, Ezra arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Ezra akafika ku Yerusalem mu mwezi ya 5 mu utawala wa miaka 7 wa mfalme. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Alitokaka ku Babeli siku ya kwanza ya mwezi ya kwanza. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. Akafika ku Yerusalem siku ya kwanza ya mwezi ya 5. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Na mkono ya Mungu ilikuwa yulu yake. Car Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Alijitoa na moyo wake wote kujifunza na kutumikia sheria ya wamilele. Et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est très important. Na yeye kufundisha katikati ya Israël masheria na maagizo. Et lorsque Ezra est rentré, est allé à Jérusalem pour instruire le peuple. Wakati Ezra renda ku Yerusalem juu ya kufundisha watu. Il avait reçu un ordre du roi. Alipataka agizo ya mfalme. Et un décret du roi fut publié en sa faveur. Na sheria ya mfalme balitangaza kwa ajili yake. Où une lettre lui fut accordée, des lettres lui fut accordée. Na balimpatia barua. Pour qu'il n'y ait personne qui pouvait l'arrêter dans ce qu'il ferait. Qu'il soit libre en tant que sacrificateur et scribe d'enseigner les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Ya yeye kufundisha maamuri na masheria ya wamilele yenye kuelekea Israeli. Et lorsque le roi lui donne cet ordre de retourner à Jérusalem, wakati mfalme alimpatia ile agizo yeye kurudia mu Israeli, il ne l'a pas laissé seul. Asikumwache kwenda peke yake, hapana. Il dit à tous les juifs, akambia na bayuda bote, qu'ils ne sont pas partis dans la première expédition. Bala bakwenda ke mukundi ya kwanza. Mais qui avait un cœur bien disposé de partir avec Ezra s'il le voulait à Jérusalem. Bala bakwa na moyo tayari ya bokwenda na Ezra kama bakitaka. Et le roi na mfalme donna beaucoup d'argent. Akaleta feza mingi. Beaucoup d'or. Na zabu mingi. Beaucoup de dons volontaires. Na mazawadi mingi. Qu'il remit entre les mains de cet homme de Dieu. Il a rumpatia huyu mtumishi wa Mungu. Afin d'aller le déposer au sacrificateur qui était à Jérusalem. Il apate kwenda kupatia hiyo bakuani bale barikuwa ku Yerusalem. Afin de s'occuper de la maison de Dieu. Il apate kuangaikia nyumba ya Mungu. Pour que la colère de Dieu ne soit pas sur son royaume, sur lui-même le roi. Et sur ses enfants. Juu ya kasirani ya Mungu isikuwe yulu ya ufalme na yulu ya mfalme na yulu ya batoto yake ya mfalme. C'est ainsi qu'il refuse, qu'il interdit aussi. Jo pale alikataza tena. À tous les chefs. Kwa bakubwa bote. Qui régnaient de l'autre côté du fleuve. Wale walikuwa na tawala ile ngambo ya mto. D'imposer des taxes aux Lévites. Et aux sacrificateurs. Ya kwamba basiripishe makodi na mampalata kwa Balawi na bakuani. Les serviteurs de Dieu. Na kwa batumishi ya Mungu bote. Qui devait servir Dieu à Jérusalem au temple. Bale baripashe kumtumikia Mungu ku Yerusalemu na muhekalu. Et il donna l'ordre à Ezra. Na kampatia Ezra agizo. D'aller établir sur Israël. Ya ye kwenda kuweka yulu ya Israeli. Des juges et des magistrats justes. Bamzi bawaki. Des gens qui craignaient le Seigneur pour établir la loi et la justice parmi le peuple de Dieu. Dans Ezra au chapitre 7, dans son verset 25, le roi dit ceci à Ezra. Et toi, Ezra, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, na weye Ezra kufatana na hekima ya Mungu ile uko nayo, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve. Upate kuweka bamzi bale wanapaswa kukata mambo katikati ya taifa yote ile ngambo ya mto. Ceux qui connaissent la loi de ton Dieu, wabote benye kujua sheria ya Mungu wako, et fais-les connaître à ceux qui les connaissent, qui ne connaissent pas, qui ne les connaissent pas. Na upate kujulisha kwa wale wote pasipo kuijua. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu, yeyote ule wa kukosa kuheshimu mzuri mzuri sheria ya Mungu wako, et la loi du roi sera condamné à mort, na yeyote wasipo kuheshimu tena sheria ya mfalme atauawa. Au bannissement, tu as kutosha, c'est-à-dire il sera rayé complètement. Manake batamutosha kabisa kabisa mu Israeli. A une amende, na batamulipisha amende, ou à la prison, wala batamutupa mu kifungo. C'est vrai, frère. Bien quoi, l'induku. Vous voyez que la loi ici était dure. On a voir comment il chéria, il quoi, yanguvu. Parce que Dieu voulait rétablir dans son temple toutes choses selon son ordre. Mungu alipenda kurudisha kitu kyote kufatana na usawa yake mu hekalu yake. Lisez à la maison Ezra chapitre 7 et chapitre 8. Musome kumulango Ezra sura 7 na sura 8 yote. Ezra arrivé à Jérusalem en 458. Ezra, kisha kufika mu Yerusalema mu 458. À l'arrivée d'Ezra à Jérusalem en 458. Kisha kufika kwa Ezra mu Yerusalema mu 458. Il trouva tout Israël livré dans un désordre total. Arikuta Israël muzima inajitoa katika fujo ya mno. Une confusion régnait. Barikuwa katika mvuruko yenye kubatawala. Et le peuple était livré dans de profondes ténèbres. Na batu barijitoa mumagiza ya upana. Le cœur d'Ezra était très touché. Na moyo wa Ezra iliguswa kabisa. Il était très triste. Aruzunishwa kabisa. En voyant le peuple, le fils de la captivité, dans cet état de confusion. Vila aliona taifa watoto wale walitoka mufungwa kubakuta muile yale. L'hôtel était déjà rétabli. Mazabu barikuwa banisha irudisha. La maison de Dieu était déjà reconstruite. Na nyumba ya Mungu barikuwa banisha ijenga. La dédicace avait déjà été faite. Barikuwa banisha na kuitolea kwa Mungu. Ils avaient même célébré la Pâque de l'Éternel. Na barikuwa banisha maliza na kushangilia Pasaka ya wamilele. Mais après cela, alakini kisha ile yote, le peuple n'avait pas compris. Batu abakuelewe kitu. Il se relâchait. Bakachiria bitu. Et se livrèrent au désordre. Na bakajitoa mufujo. C'est ainsi que l'homme de Dieu Ezra, nemuina muna mutumishi wa Mungu Ezra, les réprimanda tous. Akabakemea bote. Il commença par réprimander les sacrificateurs. Arianzi hapo kwanza kwanza kukemea bakuani. Les Lévites, Balawi, et tous les chefs de peuple, na bakubwa bote ba makundi, avec la parole de Dieu, na neno la Mungu, leur disant, ce n'est pas vous. Arukana bambia, aina mwei. Selon la loi de l'Éternel, kufuatana na sheria ya wamilele, qui devait laisser ses fils de la captivité, aina mwaye mulipashi kuacha baba tote wa bufungwa, vivre dans un tel désordre. Kuishi mufujo ya namna hii. Vous les sacrificateurs et les Lévites, mwe bakuani na Balawi, selon la loi de Dieu, kufuatana na sheria ya Mungu, vous avez été établi sur le peuple bali miweka yulu ya taifa, avec un objectif d'enseigner la vérité na kifukuzia ya kufundisha ukweli, et d'enseigner au peuple la différence na kufundisha watu wapate kuwa na achanisho, entre ce qui est saint et ce qui est vil, katikati ya bitu bitakatifu na bitu vya ovyo, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, kudinganisha vya kweli na vya bongo. Et vous les avez laissés. Lakini muriacha, muribacha. Il réprimanda. Il réprimanda les conducteurs. Premièrement les conducteurs. Alikemea kwanza kwanza biongozi. Pourquoi il a réprimandé les conducteurs? Jia nini alikemea biongozi? Si on trouve le peuple de Dieu vivant en désordre. Kama banakuta taifa ya Mungu kunaishi katika mvuruko. Ça a toujours été la responsabilité des conducteurs. Inekalaka kila mara ni buzito ya biongozi. Même aujourd'hui. Ata leo. Lorsque les conducteurs relâchent. Wakati biongozi binachiria. Ils ne disent plus aux gens toute la vérité de Dieu. Abambie tena bantu ukweli yote ya Mungu. Le peuple du Seigneur, taifa ya Mungu, se livre aussi au relâchement. Nayo itariachiria mfujo, mvuruko. Ils abandonnent la parole de Dieu. Bataacha neno la Mungu. Et commencent à vivre comme ils le veulent. Na wanaanza kuishi vile wanataka. Les prédicateurs même aujourd'hui, baubiri hata leo, ont une très grande responsabilité. Beko na buchito bunene. Dans la conduite de l'église. Muongozi ya kanisa. Le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu. Vit par ce qu'ils reçoivent. Ikunaishi kufuatana na bile weko nafundishiwa. Ils vivent par ce qui est enseigné. Banaishi kufuatana na ile wanapokea. Par leur pasteur. Wa ba pastori yabo. Et leur prédicateur. Na baubiri yabo. Si l'église ne vit plus saintement, kama kanisa aishi tena katika utakatifu, ce sont les conducteurs qui ont abandonné leur travail. Manake ni viongozi ndio binaacha kazi yabo. C'est pourquoi ils les ont réprimandés. Chokomana ribakemea. C'est vrai. Ni bya kweli. Ils les ont montré leur responsabilité dans la parole. Arimaonesha buzito yabo muneno la Mungu. Et ce qu'ils devaient enseigner au peuple de Dieu. Na ile baripashi kufundisha kutaifa ya Mungu. Aucun homme honnête. Hakuna mtu hata moyo wa haki. Aucun berger honnête. Hakuna hata mchungaji mmoja wa haki. Ne peut voir le péché entrer dans son église. Hawezi kama kuona dhambi kuingia mkanisa yake. Et le bénir sur l'esprit de Dieu. Na kubabariki kama eko na roho ya Mungu. Et laisser aller les choses contraires à la volonté de Dieu. Na kuacha vitu vyenye kwa kinyume ya neno la Mungu viendelee. Un véritable homme de Dieu ne le fera pas. Mtumishi wa Mungu wa kweli hawezi kamwe kufanya vile. C'est pourquoi il les a réprimandés. Je commande à ribakemea. Parce qu'ils étaient des complices dans le péché. Kwani nabo barishiriki kuile dhambi. Dhambi ya taifa. Et vous remarquerez lorsque nous allons lire. Mutaona wakati tutasoma. Que même dans cette confusion qu'il y a eu. Hata mwile fujo ile kuja kwa mvuruko. On a trouvé des sacrificateurs de Lévites qui s'étaient déjà compromis. Ils vivaient comme le reste du peuple. C'est pourquoi l'homme de Dieu les a repris premièrement. Et deuxièmement, il conduisit et les conducteurs et le peuple d'Israël na taifa yenyewe ya Israeli à la repentance akabasukuma kukutubu et au renvoi de femmes étrangères qu'ils avaient déjà épousées na akabasukuma wapate kufukuza wanawake wa kigeni bale waliowaka et le peuple reconnut sa faute et se repentit na taifa ilielewa kosa yabo na kutubu. Quand nous prenons Ezra chapitre 9 tukichukua Ezra sura yake 9 dans son verset 1, et commençons par là. Mustari ya kwanza tuanzie pale pale. Après que cela fut terminé, kisha yo kumalizika, les chefs s'approchèrent de moi en disant, Wakubwa wakanikaribia na kuniambia, le peuple d'Israël, taifa ya Israeli, les sacrificateurs et les lévites, wakuani pamoja na walawi, ne se sont point séparés de peuple de ce pays, abakuachane na hii taifa ya mwinchi, et ils imitent leurs abominations, na banafuatirisha makufuru yabo, celle de Cananéens, na ile ya bakananéens, des Étiens, ya baétiens, des Phéréziens, ya baphéréziens, des Jébusiens, na ya bashébusiens, des Ammonites, y'a pas Ammonites, des Moabites, y'a pas Moabou, des Égyptiens, y'a pas Misri, et des Amoréens, y'a pas Amoréa. Vous voyez, munaona, pourquoi ils ont été repris le premier? Joko mana bariba kemea boba kwanza. Vous voyez, munaona, car kwani, ils ont pris de leurs filles pour eux, bariba oweya ba binti yabo, et pour leurs fils, na kuba oesha ba toto yabo, et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Bali changanisha kizazi takatifu na mabaki hapa kwa taifa la nchi. Et les magistrats. Na bakubwa na bamzi. Le premier à commettre ce péché. Na bakubwa na bamzi barikuwa ba kwanza kutenda hii dhambi. Vous voyez? Munaona, c'était horrible. Bilikuwa bia bibaya bia ovyo. C'était, ça rendait le cœur malade. Biliuzunisha moyo inakuwa mgonjwa. Oui, bien aimé frère et sœur. Dio ndugu na dada mpendwa. Kama baubiri benyewe abejokipe tena na sauti ya Mungu. Si le predicateur MM ne s'occupe plus de la parole de Dieu. Ao batumi ba pastori au bachungaji. Ule pasteur ule berger. Abejokipe tena na kazi yao. Ne s'occupe plus de leur œuvre. Banatangulia bo benyewe amba kujitumbukiza mu Zambi. Il commence par eux-mêmes se plonger dans les péchés. Jo bo banachaka ba memba ba kanisa mu Zambi moya moya. Ce sont eux qui laissent les membres de l'église dans les mêmes péchés. Voyez, munaona, ça faisait très mal. Ilifanya mbaya kabisa. À Dieu et à l'homme de Dieu. Ilimuzunisha Mungu na ilimuzunisha mtumishi wa Mungu. Bien aimés frères et sœurs. Bapendwa bantuku na badada. Le péché et le désordre dans l'église. Zambi na fujo mufuruko mkanisa. Ou parmi le peuple de Dieu. Wala katikati ya taifa ya Mungu. A toujours rendu mal. Kila mara ina a toujours rendu malade. Kila mara inahuzunishaka. Un homme honnête, mutu wa uwaki, qui cherche la face du Seigneur, anatafuta uso ya Bwana, tout véritable serviteur de Dieu, mutumishi wa Mungu wote. C'est vrai. Ndiyo kweli. Ce n'était pas bien ce qu'ils avaient fait. Haikuwa kitu kizuri ile walifanya. Et lorsque j'entendis cela, au verset 3, mstari ya tatu, j'ai déchiré mes vêtements et mon manteau, wakati narisikia vile na j'ai m'arraché les cheveux à la tête, wakati narisikia vile naripasula mavazi yangu na makoti yangu na ritukunya manywele yangu toka ukichwa. Et les poils de la barbe. Na ritukunya na ndevu yangu. Et je m'assis désolé. Nikekala mwenye kuzunishwa. Je m'assis désolé. Nikekala mwenye kuzunishwa. C'est vrai. Mbia kweri. En voyant toutes ces choses là. Mukuona bile bitu biote bile. Et l'homme de Dieu, na mtumishi wa Mungu, tomba à genoux, akanguka kwa magoti, étendu ses mains vers l'Éternel, na kanyolosha mikono yake kwa wa milele, et commença par se repentir, akaanza kwanza kutubu yeye mwenyewe, repentant ses propres péchés, repentant de ses propres péchés. Akatubu kwanza mazambi zake yeye mwenyewe. Se repentant du péché de son peuple. Na akatubu juu ya zambi ya taifa yake. Et de ces hommes de Dieu qui avaient abandonné la parole. Na ya watumishi ya Mungu bali waliacha neno la Mungu. Il dit Seigneur. Akamwambia Bwana. Tu nous avais envoyé en captivité à cause du péché. Ulitutumaka mbufungwa kwa ajili ya zambi. Mais dans ta grâce tu as gardé un groupe de rescapés. Alakini kwa neema yako ulichunga kokundi ya bale bali epuka walikimbia zamu. Dans le pays de la promesse. Na unabarudisha mwinchi ya malako. Pour qu'il soit sous ton abri. Upate kwa chini ya kivuli yako. Mais voilà les mêmes gens qui sont retournés. Sasa tazama watu wa moyo mama bale bali rudia. N'ont pas compris le pourquoi tu les as ramenés. Abaelewe jua nini ulibarudisha. Ils ont bâti ta maison. Bana kuyengea nyumba. Mais ils se sont plongés dans le péché. Alakini wanajitumbukiza tena muzambi. Ils se sont suivis avec le peuple. Chafua pamoja na taifa. Ils n'ont pas compris pourquoi. Abaelewe juu ya nini. Toi tu les as ramenés ici. Wewe ulibarudisha humo. Il a prié. Aliomba. Il a demandé pardon. Aliomba usamaha. Il a demandé miséricorde. Aliomba rehema. C'est vrai. Parce que le peuple était, s'était suivi. Tu taifa irichafua. Il y avait un désordre total. Urukwa mvuruko kabisa kabisa. Et son cœur n'était pas content. Na moyo yake haikufurahiki hiyo. Il y avait des sures et des impuretés partout. Urukwa mchafu na makufuru fazi yote. Les désordres dans le mariage. Fujo mkuo wana. C'est ainsi qu'après sa prière. Ndoko maana kisha maombi yake. Ezra. Demande à tout le peuple akaomba taifa yote de confesser leurs péchés ya kwamba wapate kukiri zambi zao et de les réparer na wapate kuitengeneza. Et la réparation signifiait pour Ezra na kutengeneza kwa mbele ya Ezra ni c'est le renvoi de toutes les femmes étrangères que les filles de la captivité avait déjà prise. Ni yabo kufukuza babibi bote ba kigeni bale bafungwa ba Israeli bario waka. Et l'homme de Dieu s'éleva et fugira à tout le monde. Na mutumishi wa Mungu akalamuka na kulapisha batu bote. O sacrificateur. Kwa bakuani. O levite. Kwa balawi. Et à tout Israël. Na kwa Israeli muzima. De faire ce qui avait été arrêté. Ya kwamba wapate kufanya ile yote ilikamatiwa sawa mpango. Et disant que quiconque n'obéirait pas à cet ordre. Na kabambia yeyote ula astati kuiagizo. Tous ces biens lui seront confisqués. Mali yake yote watamunyanganya yo. Et lui-même serait exclu de l'assemblée. Na ye mwenyewe watamufukuza mkusaniko. Et tout le monde, après avoir entendu ces mesures qui étaient arrêtées, tout le monde tremblait. Et tout le monde disait, c'est à nous de faire ce que toi tu nous as dit. Parce que tout le monde avait reconnu son tort. Les mesures étaient grandes, étaient dures. Frère, quand le peuple vit dans le péché, il faut prendre des mesures sévères pour les détacher de ces péchés et de la mort. On ne peut pas prendre des mesures à la légère. Hawezi kuchukua mipango ya teke teke ya ovyo. Non, bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non, bien-aimé frère. Hapana dada mpendwa. Ndugu Branham disait. Ndugu Branham alikuwa anasema. Pour arrêter le péché. Juu ya kusimamisha zambi. Il nous faut prendre des mesures à l'égard de péché. Na pasi kuchukua mipango mbele ya ile zambi. Oui, bien-aimé frère. Unaona ndugu mpendwa. Et cela ne peut pas toujours plaire à tout le monde. Non, bien aimé frère. C'est seulement au véritable fils de Dieu. Quand la parole de Dieu sort des corrections, et seuls reconnaissent leur tort, et seuls se répandent, et seuls ont le courage de réparer leur tort. Mais les méchants, les impies et les étrangers qui se trouvent au milieu du peuple de Dieu ne peuvent pas obtempérer à l'ordre de Dieu et aux enseignements de la parole du Seigneur. Et vous remarquerez qu'après que des mesures soient prises sur tout Israël, ils devaient renvoyer leurs femmes étrangères. La mesure était sévère. Mais il y a eu à peu près 4 hommes. Pourquoi qui étaient contre cela. Ils ne voulaient pas cette mesure qu'Ezra avait imposée à l'Église. Au peuple d'Israël. Pour que le peuple soit purifié. Oui, bien-aimé frère et sœur. Cela a toujours été ainsi. Il y a toujours eu des gens qui ne sont pas de Dieu. et qui sont au milieu du peuple de Dieu, qui ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu, ni aux décisions des hommes de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de crainte dans leur cœur. Ceux qui tremblent devant la parole de Dieu et qui s'y mettent à l'œuvre, lorsqu'ils entendent la réprimande divine, c'est seulement les enfants de Dieu purs. Vous voyez bien mes frères, les autres vont protester. C'est pourquoi quand vous lisez Ezra chapitre 10, dans son verset 15, vous trouverez ces gens-là, Jonathan, fils d'Asaël, Mwana wa Israël, Jezia, fils de Tisbak, Mwana wa Tisva, appuyé par Meshulam, mwenye kusaidiwa na et par les Lévites, Shabtai. Na mulawi Shabtai. Fut le seul à combattre cet avis. Barukwa peke yabo njo balikombanisha hii mipango. Mais tout le peuple, alakini bantu bote, c'est 6 milliards devant ce qui avait été arrêté. Baridi nyenge keza mbele ya ile mipango balichukua. Allez lire cela. Mwende mwisome. Dans tous ces chapitres 10 sura yote ya kumi ya Ezra, et chapitre 9 na sura tisa ya Ezra. Maintenant remarquez une chose. Sasa, tazameni kitu kimoja. Lorsque Judas est rentré de la captivité, wakati Yuda alitoka mule mbufungwa, à l'ère où on rebâtissait le temple à Jérusalem, wakati ile barikuwa na yengulula ekalu ku Yerusalema, Nehemi le prophète n'était pas monté avec eux asikwendake pamoja nabo. Dans cette première expédition, ile kundi ya kwanza bale balienda, il était resté dans le palais du roi, yeye alibakiaka mu nyumba ya mfalme, à son service, mukumutumikia mfalme. C'est pourquoi vous verrez, je commande à Moutaona, Nehemi n'a jamais été là. Nehemi a si ukuya keko. Parce que son travail n'était pas encore proclamé. Djou, kazi yake barkobo balo kuitangaza. Dieu fait chaque bonne chose à son temps. Mungu eko nafanya tendo lake yote nzuri mu wakati yake. Il y a une chose que même nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Même nous qui avons cru le message, je vais moi très bien. Vous remarquerez le début de ce message était accompagné de la crainte, de l'obéissance et de la mise en pratique de la parole. Na mukutumikia kwa neno la Mungu. Nous n'étions rien. Atukua takitu. Et devant le monde de domination. Na mbele ya mazehebu. Et devant nous-mêmes. Na mbele yetu sisi wenyewe. On s'appuyait seulement sur Dieu. Tulikuwa na mtumainia tu paka Mungu. Nous étions un petit groupe de gens. Tulikuwa ni kakundi kaloko ka watu. Des gens sans soutien. Bantu bila msaada. Il n'y avait pas beaucoup de riches au milieu de nous. Il n'y avait pas beaucoup de puissants au milieu de nous. C'était seulement des gens pauvres qui avaient accepté ce message. Mais remarquez aujourd'hui, après que toutes nos églises soient bâties, aujourd'hui, toutes les églises qui croient au message du temps de la fin sont stables. Leo makanisa yote yenye kuamini ujumbe wakati wa mwisho yako mustare. Grand bâtiment. Mama jengo minene. On trouve beaucoup d'argent dans nos assemblées. On a patikana mafeza mingi makanisa. On trouve beaucoup de commerçants dans nos assemblées. Muna kwa bafanya biashara ba mingi. Il y a même des dignitaires qui sont au milieu de nous. Muna kwa tana beshimiwa katikati yetu. Vous voyez? Munaona? Maintenant, sasa, nous avons oublié notre objectif. Tunasabu au kifunguzio yetu. Et quand vous regardez aujourd'hui l'esprit des gens, mukiangalishisha leo roho ya watu, ce n'est plus l'objectif d'aller au ciel. Haina tena kifunguzio kwenda kumbingu. Les gens maintenant veulent vivre éternellement sur la terre. Bantu wanapenda baishi milele pa dunia. Et les gens oublient leur objectif. Na bantu wanasabu kifunguzio yabo. Ils commencent à vivre mafu. Wanaanza kuishi tu mafu mafu kusudi. Vous les voyez dans les prédicateurs. Muku naiona tangu baubiri. Vous les voyez dans l'église. Utaiona tangu kanisa. L'enlèvement ne les intéresse plus. Unyanyuliwa tena haina hangaiko yabo. Et il y a beaucoup de péchés au milieu de nous. Na kwa zambi mingi katikati yetu. Et même les prédicateurs sont fatigués. Na baubiri wenyewe wanachoka. De réprimander le péché. Ya kukemea zambi. Aujourd'hui, leo, c'est une chose qu'on trouvait anormale. Vitu vinyewe vila lorsque nous avons cru, wakati tuliamini. Aujourd'hui, sasa leo, nous le supportons. Nazo vivumilia na sisi. C'est un esprit apostat. Ni roho ya kuacha kwa imani. C'est un esprit de rétrograde. Niro moya ya kurudi nyuma muimani. Voyez bien mes frères. Unaona ntuku mpendwa. Je vous dis frère. Nabiambie banduku. Des bâtiments comme nous les avons ici. Mama jengo sawa hii tunakuwa nayo. Ne nous garantit pas l'enlèvement. Haitohakikishia sema ndio tutanyanyuliwa hapana. Si vous pensez que maintenant vous avez une belle église. Kama mnawazia sema leo mnakuwa na kanisa mnene mnakuwa ba mingi. Vous avez déjà atteint l'objectif. Unaisha mnapata kifunguzio. Tu te trompes, tu vas rester. Unakotola utabakia. C'est le même esprit qui avait animé ces gens. Joro ils pensaient qu'après avoir reconstruit le temple à Jérusalem, c'était fini pour eux. Non, ils avaient reconstruit le temple, c'est pour adorer le Seigneur et pour marcher dans la sainteté. Vous avez oublié cela? Devait accomplir la volonté de Dieu. Mais ils ont oublié cela. Et ils se sont livrés dans le péché. Bakajitoa muzambe. Aujourd'hui, leo, le péché zambi est attrayant. Inakuwa ya ukokota, ya kuvuta. On aime le péché. Napenda zambi. Tout le monde a besoin de l'argent. Mutu wote anapenda fedha. A besoin de la stabilité. Anahitaji kuwa na maisha yenye kustarehe. Et c'est pour l'argent. Na venye kuwa na fedha. Vile anajute. Anapenda kuongeza ingine. Et la parole de Dieu. Na neno la Mungu. Et l'église aujourd'hui. Banaisula leo. C'est pourquoi. Njoko mana. Tirons attention. Tusopoke sana. Et il y aura beaucoup de gens qui vont rater l'enlèvement. Utakuwa bantu mingi watakosa kunyanyuliwa. Parce qu'il y a beaucoup de faux esprits qui se sont révélés au milieu de nous. Mais ceux qui sont de Dieu suivent le mouvement du Saint-Esprit. Ils ne peuvent jamais faire de compromis avec le péché. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je vais un peu résumer. Pour que le livre d'Ezra, tasema kwa ufupi kitabu ya Ezra, pour que vous soyez fixés, mupate kwa na msimamo mzuri. Je vais dire cela lentement, tabisema pole pole, pour permettre à ceux qui écrivent de les noter calmement. Ja kuruhusu benye kuandika wapate kuandika mzuri mzuri. Et ceux qui ont une bonne mémoire de retenir cela dans leur cœur. Benye kuwa na ukumbusho wapate kuishika mumoyo wabo. Afin qu'aucune chose ne vous échappe. Ili kusikwe kitu ataki moyo kile amushike. Le livre d'Ezra. Kitabu ya Ezra. Je le résume en trois phases. Mina isema mufupi umbipande tatu. Pour ceux qui écrivent. Kwa benye kuandika. La première phase. Kipande ya kwanza. C'est avec l'ordre de Cyrus. Nina agizo ya mufalme Cyrus. Qui autorisa les enfants d'Israël de rentrer dans le pays de la promesse. Ulari rusu batoto ya Israel bapate kurudia muinchi yabo ya malako. Sous l'ordre de Zorobabel et de Josué. Chini ya ongozi ya Zorobabel na ya Yoshua. Dans cette première phase, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Mui kipande ya kwanza, ni nini ile tunapashe kushika? Premièrement, kwanza, Cyrus, roi de Perse. Cyrus, mufalme wa Perse. Donna l'ordre de la reconstruction du temple en 536. Akaleta gizo ya kuyengulula ekalu mu 536. C'est la première des choses que nous devons retenir dans cette première phase. Deuxième chose. Kitu ya pili. Arrivée des captifs à Jérusalem. Kisha bale bafungwa kufika mu Yerusalema. Les Juifs qui sont retournés à Jérusalem. Bale bayuda barirudia mu Yerusalema. Se sont unis comme un seul homme. Bariungana samutu mumoja. Ils ont reconstruit l'autel de l'Éternel premièrement. Bariengulula kwanza kwanza mazabu ya wa milele. Et deuxièmement, na kiapiri, ils posaient les fondements du temple bariweka msingi ya ekalu, en présence des sacrificateurs et lévites, muwepo wa bakuani na ya balawi, habillés en costume, benye kuvaa makoti, au milieu des cris de joie, katikati ya malalamiko ya furaha, et de pleurs, na katikati ya malalamiko ya kulia. Les captifs de retour, je répète, vale bafungwa, kisha kutokea mubufungwa, ils se sont unis comme un seul homme. Bariungana pamoja sawa mtu moja. Premièrement, ils ont reconstruit l'autel. Kwanza kwanza bariengulula mazahabu. Et deuxièmement, ils posèrent, japiri bakaweka, les fondements du temple, msingi ya ekalu, au milieu des cris de joie et de pleurs, katikati ya malalamiko ya kulia na en présence fura, du sacrificateur, muwepo ya bakuwa, et de lévite bien habillé. Nayaba là où il venait kufa mzuri. Troisièmement, lorsque les fils du pays, les habitants du pays, le peuple du pays, wakati ya bale bakaji ba muinchi, les ennemis de Juda, badui ya Juda, après la nouvelle de la reconstruction du temple de l'Éternel, wakati baripata habari ya kwamba wafia kuyengulu na ikalu ya Yerusalema, il vint nabo bakakuja voir Zorobabel et Josué. Kumona Zorobabel na Yeshua. Premièrement pour dire. Kwanza kwanza juu ya kubambia. Nous voulons vous aider. Ya kwamba tunapenda kumisaidia. Dans cette reconstruction. Mui majengo ya ikalu. Parce que nous adorons votre Dieu. Juu na sisi tukunaabudu Mungu wenu. Et nous lui offrons aussi les offrandes. Na sisi tukunamtolea matoleo. Deuxième chose. Kitu ya pili. Zorobabel et les chefs d'Israël, Zorobabel pamoja na bakubwa ba Israeli, refusèrent cette offre. Bakakatala sana kule kusaidiwa. Troisièmement, Chatatu, lorsque Zorobabel et les chefs d'Israël rejetèrent cette offre, wakati Zorobabel na bakubwa ba Israeli barikatala kubasaidia, les ennemis de Juda, badui ya Juda, ont tout fait pour décourager les Juifs. Barifanya yote juu bapate kulekesha bayuda. Ils ont fait pour empêcher cette reconstruction. Barifanya yote wezekanapo juu bapate kuzuiza ile majengo chifanyike. Ils ont corrompu les conseillers du roi. Barienda ta kukata milomo bashauri ya mfalme. Ils ont corrompu les gens influents parmi les Juifs pour arrêter cette œuvre. C'est vrai. Ils étaient déçus. Alakini barukosewa. Ils se sont sentis écartés. Barijona sawa bana waweka pembeni bana batosha mwile kazi. Et ils ont utilisé ces tactiques. Baritumikisha hii manamna yote ya kutenda. Bujanja bote. Pour décourager les Juifs. Juba pate kulekesha bayuda. Empêcher la reconstruction. Bazuize majengo shifanike. Corrompre les conseillers de roi. Kukata milomo. Bashauri ya mfalme. Et les chefs des Juifs influents. Na bakubwa ya bayuda bale barikuwa na mauvuto. Pour arrêter cette œuvre. Juba pate kusimamisha ile kazi. Sixièmement, kia sita, au temps du roi Assyrius, mwakati ya mfalme Assyrius, ils écrivèrent une lettre d'accusation contre les Juifs. Bakandika barua juu ya kustaki bayuda. Les présentant au roi comme un peuple rebelle. Bakabaonesha kwa mfalme ya kwamba baba watu ni batombozi. Qui cherchait à se révolter contre l'autorité contre son autorité, après leur construction, et le roi Assyrus, arrêta les travaux. Et vous lirez cela, tout ce que je résume ici, dans le chapitre 1 d'Ezra, sura ya kwanza ya Ezra, chapitre 2, sura ya pili ya Ezra, chapitre 3, sura ya tatu, et chapitre 4. Na sura ya ine. Nous avons l'ordre du roi tukuna agizo ya mfalme d'aller reconstruire le temple. Ya kwenda kuyengulula ekalu. Nous voyons l'arrivée des captifs à Jérusalem. Tunaona kufika kwa bafungwa ba Yuda mu Yerusalemu. Premièrement, ils reconstruisent l'hôtel. Kwanza wakayengulula mazabu. Et posèrent les fondements du temple. Na kuweka msingi ya ekalu. Et on a vu, troisièmement, Nakiatatu, les ennemis de Judas, Yuda, qui se sont levés, et ils sont venus par ruse, pour solliciter Kulomba, et pour présenter leur aide yabo, au chef de Judas, Yuda, afin qu'il soit incorporé dans cette œuvre. Il voulait aider à cette reconstruction. Zorobabel, Josué, Joshua, refusèrent cette offre. Et les gens du pays, en voyant la fermeté Zorobabel, ils découragèrent les Juifs, les empêchant la reconstruction. Ils ont corrompu le conseiller de roi. Ils ont corrompu les influents parmi les peuples juifs. Ils écrivirent une lettre au roi Assyrus, présentant les Juifs comme un peuple rebelle qui se révolterait après la reconstruction. C'est ce qui a eu l'arrêt de ces travaux. Ile makazi ya majengo. Deuxième phase. Kipande ya pili. Dans ce livre d'Ezra. Mui kitabu ya Ezra. Ce n'était plus sous Cyrus. Aikukwete na chini ya utawala ya Cyrus. Maintenant nous sommes sous le règne de Darius. Sasa tunakomu utawala ya mfalme Darius. Maintenant dans le règne de Darius. Sasa mu utawala ya mfalme Darius. Ou sous le règne de Darius. Chini ya utawala ya Darius. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ni nini ile tunapashi kushikamo? Premièrement, kwanza il y a eu les prophètes Agé et Zacharie. Ukakwa manabi Agé na Zacharie qui parlèrent aux Juifs. Bale bakambi ya sasa bayuda. Les encourageant à reprendre la reconstruction batia moyo ya kwamba tuanzulule majengo après la mort du roi Assyrus, kisha lufu lwa mfalme Assyrus, qui les avait interdit de construire, ula alibakatazaka kuyenga. Donc la présence du roi, la présence de ces deux prophètes, wepo wa imanabi mbili, Zacharie et Agé, Zacharie na Agé, est un élément déclencheur dans cette phase de la reprise des travaux. Deuxièmement, sous Darius, les travaux reprirent à Jérusalem avec le soutien de ces deux prophètes, na musada ya imanabi mbili, Agé et Zacharie. Agé na Zacharie. Troisièmement, chatatu, ce qu'il faut retenir sous Darius, ya mwe kubamba chini ya utawala ya Darius, il y a les gouverneurs mukoliwali taï qui demandent aux Juifs qui leur avaient donné l'autorisation de rebâtir la maison. Quatrièmement, le gouverneur envoie la lettre au roi Darius pour vérification de cette autorisation. Cinquièmement, Darius confirme l'édit du roi Cyrus. Na mfalme Darius anahakikisha ile mipango ya mfalme. Et d'une manière officielle en tant que roi. Munamna tu ya wazi sawa mfalme. Il ordonne de nouveau. Ana rusu mara ya pili. La reconstruction du temple. Anzulule mayengo ya hekalu. Et nous sommes à 458. Na umu ni mu 458. Oui. Dio. Et quand Darius. Wakati Darius. Ordonne la reconstruction du temple. Sixièmement, les travaux ont avancé rapidement. Makazi iliendelea kwa haraka. Et la construction s'est bien achevée. Na majengo limalizika mzuri. En 516. Mu 516. Et septièmement, na kia saba. Les enfants d'Israël ont fait la dédicace. Batoto ya Israël baritole ya ile kalu. Et huitièmement, kia munane, y a eu le rétablissement de la Pâque. Kurukwa sasa kurudishwa kwa Pasaka. Parmi les fils de la captivité. Katikati ya batoto ya Israël barikuwa mfungwa. C'est la fin de la deuxième phase. Jo mwisho ya kipande ya pili. Vous voyez? Munaona? Et cela vous pouvez le lire. Munawezi kuisoma. Dans Ezra au chapitre 5 Mwezra, et 6. Sura 5 na 6. Vous voyez, Munaona, je reprends cela. Na yanzulu la tena. Sous Darius, que nous appelons la deuxième phase chini de ce qui s'est passé après le retour des captifs. Chini ya utawala ya Darius, ya kipande ya pili, ya ile ilifanika, kisha. Premièrement, il y a eu Agé, le prophète et Zacharie. Kwanza kwanza kurukua Agé na Zacharie bana banabi. Qui avait encouragé les Juifs à reprendre la reconstruction. Deux les travaux avaient repris. Avec le soutien de ces deux prophètes. Troisièmement, le gouverneur demandait l'autorisation aux Juifs. Et quatrièmement, c'est le gouverneur qui envoie une lettre au roi Darius de vérifier si cette autorisation existait dans les annales de la royauté. Cinquièmement, Darius confirme l'édit du roi Cyrus. Darius akachunguza ile agizo ya mfalme. Et ordonne en 458 la reconstruction du temple. Akaruhusu 458 kuyengulula hekalu. Sixièmement, les travaux avancèrent rapidement. Kya sita makazi kaendelea kwa haraka. Et la reconstruction s'acheva en 506. Na majengo, en 516. Majengo kamalizika mu 516. Les travaux se sont achevés en 516. Mu 516 majengo ilimalizika. Et après les travaux. Kisha majengo. Après que les travaux se soient achevés. Kisha majengo kumalizika. Les enfants d'Israël ont dédié le temple. Batoto ya Israël baritolea hekalu. Et huitièmement. Kya munane. Ils ont rétabli la fête de la Pâque. Barirudisha tena karamu ya Pasaka. Entre la fin de la construction. Katikati ya mwisho ya majengo. Et le règne du roi Assyrius. Na utawala ya mfalme Assyrius. C'est entre les deux époques. Bon, il m'a vu pendant mille ans wakati. Qui les sépare à peu près de plus ou moins 50 années. Je n'ai pas tenu chaque jour et à miaka magumitano. Que se situe l'histoire d'Esther? Je m'oule mon apatikana adisi ya ule Esther. L'histoire d'Esther. Adisi ya Esther. Est à cheval entre la fin de la reconstruction de la maison. Iku katikati ya mwisho ya majengo kuyengulure kwa hekalu. Et le règne. Na mutawalo. Du roi Atarzès Atarzès wa pili. C'est là où se situe l'histoire d'Esther. Jomule munapatikana hadithi ya Esther. Et après cela, kisha ile, après que la dédicace et la Pâque soient établies, kisha kutolewa na kisha kurudisha karamu ya Pasaka, nous voyons maintenant tunaona sasa Ezra qui monte Ezra napanda à Jérusalem kuenda ku Yerusalema après que le premier tour de la captivité des Juifs kisha kundi ya kwanza ya bafungwa wa kwenda Yerusalema qui était monté à Jérusalem sous l'ordre de Cyrus bale barienda ku Yerusalema mwagizo ya Cyrus sous la conduite de Zorobabel chini ya ongozi ya Zorobabel na Yeshua. Donc j'aimerais que vous notiez cela mina penda muishike. Ezra sasa, le sacrificateur et le scribe, mukuani na muandishi, est monté après que la maison de Dieu soit achevée. Naya alienda nikisha nyumba ya Mungu kumalizika. Il n'était pas dans la première expédition. Juye ya sikuendake mwile kundi ya bakwanza bali walienda kujenga. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Maintenant, trois choses que vous devez retenir sur l'engagement des as. Vitu tatu munapashi kubamba chini ya gizo ya Mungu. Trois choses que vous devez retenir sur le travail qu'Ezra était allé faire à Jérusalem au milieu de ce peuple qui sont retournés de la captivité. Vitu tatu bile munapashi kubamba yulu ya mukazi ya Ezra wakati ya rurudia mwesalema kisha majengo ya hekalu. La première des choses qu'Ezra fait, kitu kia kwanza kile Ezra alifanya, il avait un cœur disposé arukwana moyo nye kwa tayari à chercher et à rechercher ya kutafutisha la loi de Dieu, sheria ya Mungu. Quand Ezra est remonté à Jérusalem, wakati Ezra alipanda kwenda kule ku Yerusalema pour rencontrer les fils de la captivité, na batoto ya bafungwa, il avait un cœur disposé alikuwa na moyo yenye kwa tayari à rechercher la loi de Dieu, ya yeye kutafutisha sheria ya Mungu, à connaître toute la vérité, apate kujua ukweli wote. Il voulait voir, alipenda kuona, que toute la vérité de Dieu, ya kwamba ukweli yote ya Mungu, soit rétablie, ipate kurudishwa au milieu katikati des fils de la captivité. L'église est avec ya moi. Ya bafungwa. Il avait un cœur disposé à rechercher la loi de l'Éternel. Connaître Mungu. La vérité de Dieu. Kujua ukweli ya Mungu. Deuxièmement, ya pili, il était disposé alikuwa tayari tena à mettre en pratique ya yeye kutumikisha toute la parole de Dieu. Neno la Mungu lote. Très important. Ni ambafa kabisa. Avoir un cœur disposé à rechercher Dieu, c'est bien. Kwa na moyo tayari juu kumtafutisha Mungu ni mzuri. Mais il était aussi disposé. Lakini na yeye mwenyewe alikuwa tayari à mettre toute la parole de Dieu en pratique, toute la loi de Dieu en pratique. Ya kutumikisha neno lote la Mungu. Et troisièmement, na kia tatu, Ezra était disposé à enseigner aux autres, aux Juifs, ya kufundisha wa Yuda, la loi de Dieu. Sheria ya Mungu. C'est vrai. Bien kweli. Lui-même un cœur qui recherche qui recherche la loi de Dieu. Ya mwenyewe na moyo ya kutafutisha. Ya kujua ukweli na sheria ya Mungu. Deuxièmement, ya pili, un cœur disposé à mettre en pratique toute la parole de Dieu. Moyo yenye kwa tayari juu ya kutumikisha neno la Mungu lote. Troisièmement, na kia ine, un cœur disposé, moyo yenye kwa tayari, à enseigner aux autres, ya kufundisha bengine, la vérité de Dieu, ukweli ya Mungu, toute la loi de Dieu, sheria yote ya Mungu. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Nous devons être disposés. Tunapashi kuwa tayari à connaître la vérité. Ya kujua ukweli ya Mungu. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit ni mwile wakati Roho Mtakatifu viendra nous donner cette révélation. Atakuwa kutupatia ile ufunuo. Si vous n'êtes pas disposés, kama hauna tayari à recevoir ya kupokea la vérité, ukweli, vous ne la recevrez jamais. Hawezi kama kuipokea. Si vous n'êtes pas disposé kama una tayari à mettre en pratique toute la parole de Dieu qui vous est enseignée, neno la Mungu lote wanakufundisha, c'est un travail vain. Manake kazi yako ni ya bure. C'est lorsque vous mettez en pratique, ni wakati ile unatumikisha les enseignements de la parole, mafundisho ya neno la Mungu, que tu seras aussi disposé bale njoo utakuwa na wewe tayari à les enseigner aux autres, ya wewe kuifundisha kwa watu wengine. Oui bien mes frères et sœurs. Ndio ndugu na dada mpendwa. C'est vrai. Bia kweli. Ezra cherchait pour lui. Ezra alikuwa anatafuta kwanza juu yake yeye. Et pour le peuple. Na juu ya taifa. Le véritable chemin de Dieu. Njia ya kweli ya Mungu. Afin d'agir en toute chose. Ili apate kutenda mkila kitu. Selon la volonté de Dieu. Kufuatana na mapenzi ya Mungu. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Il était animé d'un très bon esprit. Alisukumwa na roho mzuri. Et lui. Na yeye. et le peuple, na taifa, les deux devaient maintenant se retrouver bote dans le véritable chemin de Dieu. Ya kweli ya Mungu. Et ils devaient tous agir bote kutenda, selon la pensée de Dieu, ufatana na selon la volonté de Dieu, ufatana na mapenzi ya Mungu, qui est révélé dans sa loi. Yenye ufunuliwa musheria yake. Si l'église kama kanisa, et les conducteurs na biongozi, sont unis banajiunga, pour marcher dans la volonté de Dieu, ya kutembea mapenzi ya Mungu, Dieu accomplira de grandes choses au milieu Mungu d'eux. Atatimiza bitu bikubwa binene katikati yabo. Et ils feront toujours la joie de l'Éternel. Bataendelea kumufurahisha wa milele. Oui bien mes frères. Dieu ndoku mpende. Quand les gens sont disposés à vivre la parole. Wakati watu wako tayari juu ya baishi neno la Mungu. Ils seront aussi disposés. Batapatena tayari. À enseigner la crainte de Dieu yabo, aux autres. Yabo kufundisha boka bwa Mungu kwa bengine. Quand les gens batu, sont disposés à vivre toute la parole Beko de Dieu, même la vie sera un enseignement, une instruction ni mafun, à ceux qui vivent dans la désobéissance. Itakuwa ni mafundisho kwa wale wako naishi mkutokutii. Pour nous en tant qu'élus, kwetu sisi sawa wateule, nous ne devons pas seulement prêcher en parole, hatuwezi kuhubiri tu kukila mule, mais notre vie doit aussi être un enseignement. Lakini maisha yetu nayo inapaswa kuwa mafundisho. Voyez bien mes frères, unaona ndugu mpendwa, regardez dans toutes les époques, tazameni mu manyakati zote, où les hommes de Dieu, mule watumishi ya Mungu, et le peuple de Dieu, na taifa ya Mungu, se sont unis comme un seul homme, walijiunga sawa mtu mmoja, pour accomplir la volonté de Dieu. Ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Après l'avoir connu, kisha kuijua, Dieu est venu habiter au milieu d'eux. Mungu alikuja uketi katikati yao. Dieu a accompli des merveilles. Na Mungu alitimiza maajabu. C'est ce que cette église doit être. Donc il est kanisa inapaswa kuwa. Nous ne devons pas avoir des pensées partagées. Hatuwezi kuwa na mawazo yenye kuachana-achana. Nous devons avoir les soucis. Tunapaswa kuwa na hangaiko. De connaître Dieu ya et sa vérité. Ya kumjua Mungu na ukweli yake. La vérité de la parole. Ukweli ya neno lake. Nous devons avoir les soucis. De mettre la parole de Dieu en pratique. Et nous devons avoir les soucis d'enseigner la vérité et la crainte de Dieu aux autres. C'est ce qui fera la joie de notre Seigneur. Nous devons, nous tous, tunapasha shibote, conducteurs et peuples, viongozi na watu wote, marcher dans le véritable chemin de Dieu, njia ya kweli ya Mungu, et agir na kutenda en toutes choses, mubitu vyote, selon la pensée de Dieu, ufatana na wazo ya Mungu, selon sa volonté, ufatana na mapenzi ya Mungu, révélé dans la parole, yenye kufunuliwa mneno lake. Oui. Dio. Esdras. Ezra. Voulait établir aripenda kuweka une véritable relation, mapatano ya kweli, entre Dieu et les exilés, katikati ya Mungu na bale bali toka mbufungwa, qui étaient retournés dans le pays, bale bali rudia mwenchi, afin que le peuple, ili taifa ya Mungu, soit complètement zélé, ipate kwa na bidii, dans le service spirituel, mukazi ya kiroho, auquel Dieu les avait appelés, inye Mungu alibaitia. C'était ça l'objectif de Ezra. Il enjoy ilikuwa kifukuzio ya Ezra. Dieu les avait retourné dans le pays natal. Mungu alivarudisha mwinchi yao kizalikio. Pour qu'il soit à son service. Ndio bapate kumtumikia. Un service spirituel. Na kazi ya kiroho. Maintenant Ezra est venu. Sasa Ezra alikuja. Avec un souci. Na hangaiko. De rétablir la relation. Ya yeye kurudisha mapatano. Entre Dieu et les exilés. Katikati ya Mungu na wale walitoka. C'est ça même le but de toutes les prédications que nous apportons. C'est établir une relation intime entre l'Église et son Sauveur. L'Église et son Dieu. Ezra ne cherchait que l'intérêt de Dieu. Alikuwa anatafuta paka mafaida ya Mungu. Et non l'intérêt matériel du peuple. Hapana faida ya kimwili ya watu. La priorité. Kitu ya kwanza. La priorité. Kitu ya kwanza. Pour Ezra. Kwa Ezra. C'était Dieu. Ilikuwa ni Mungu. Parmi son peuple. Katikati ya taifa yake. Et sa maison. Na nyumba yake. Pour son adoration. Juu ya mabudu yake. C'était ça la priorité. Ile ndio ilikuwa kitu ya kwanza. La priorité. Kitu ya kwanza. Un véritable serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu wa kweli. Ni yeye kufanya. Ni ya kufanya. Que le peuple de Dieu. Ya kwamba taifa ya Mungu. Fasse une bonne expérience. Fasse kufanya onjo mzuri. Véritable avec le Seigneur. Ya kweli na Mungu. Un véritable serviteur. Mtumishi wa kweli. Veut que les enfants de Dieu. Anapenda kwamba watoto ya Mungu. Soient des tabernacles vivants. Bakoba ekalu ya du Dieu vivant. Ai ya Mungu aliye hai. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Ce qui doit préoccuper. Ile inapaswa kuhangaika. Tout véritable serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu wote wa kweli. C'est premièrement l'intérêt de Dieu. Kwanza faida ya Mungu. Dans son peuple. Ndani ya taifa yake. Et l'intérêt de Dieu dans son peuple. Faida ya Mungu mwa watu wake. C'est de voir toi ma sœur. Ya kukuona weda. Toi mon frère. Wendo kuyangu. Être un enfant de Dieu, né de nouveau, vivant saintement, baptisé du Saint-Esprit, marchant dans la crainte et dans toute l'obéissance, ayant une bonne relation avec le Seigneur. Les ministères ont été établis, c'est pour mettre en relation intime entre le peuple et son Dieu. Il doit y avoir une communion permanente entre le peuple et leur Dieu. L'intérêt de Dieu ne doit pas être sacrifié pour l'intérêt matériel. Non. Et ça c'est l'objectif d'Ezra. Il ne cherchait que l'intérêt de Dieu. Alikuwa anatafuta paka faida ya Mungu. Priorité. Ya kwanza. Dieu. Mungu. Et sa maison. Na nyumba yake. Et le reste. Na ile inabaki. Après. Itafata nyuma. Et Ezra. Na Ezra. Enseigner au peuple. Alikuwa anafundisha watu. Le respect de Dieu. Heshima ya kuheshimu Mungu. Et le respect de la loi de Dieu. Ya kuheshimu sheria ya Mungu. En toutes choses dans leur vie. Mubitu byote maisha yabo. C'est très important. Ni ya mafa kabisa. Ezra en allant rejoindre les captifs, il les enseignait le respect de Dieu et de sa loi en toutes choses dans leur vie. Ce n'est pas seulement un bon enseignement pour les filles de la captivité. Aina tu mafundisho mazuri juu wale batoto batoko mfungwa. Nayo iko tena mafundisho mazuri kwetu. Un véritable chrétien. Mu Kristo wa kweli. Une véritable chrétienne. Mu Kristo mwanamke wa kweli. Doit respecter toute la parole de Dieu dans sa vie. Neno la Mungu lote maisha. Doit respecter Dieu dans sa vie. Anapaswa kuheshimia Mungu maisha yake. Et doit respecter la parole de Dieu. Na anapaswa kuheshimia neno la Mungu. Dans tout ce qu'il fait. Mu yote ile kunafanya. C'est vrai frère. Il doit respecter Dieu dans toute sa vie. C'est ça être un fils de Dieu. Jokuwa mwana wa Mungu. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Le respect de la parole. Heshima kuheshimia neno la Mungu. Marche ensemble. Tunatembea pamoja. Avec l'obéissance. Na utifu. Un frère. Ndugu moja. Ou une sœur. Wala dada moja. Qui vient tous les jours à l'église. Ule anakuja kila siku kanisa. Mais qui n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Alakini wasipokuti neno la Mungu. Est un devin. Eko tu ni mfumu. Il n'est pas agréable à Dieu. Awezi kumupendeza Mungu. L'obéissance. Utifu. Vaut mieux que tous les sacrifices. Inashindia masadaka zote. On peut offrir à Dieu. Ile unawezi kumtolea Mungu. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Tu ne peux pas être un fils de Dieu. Awezi kuwa mtoto wa Mungu. Une fille de Dieu. Binti wa Mungu. Sans obéir au Seigneur. Bila kumutii Mungu. Cela est faux. Ni vya bongo. C'est pourquoi Ezra. Ndio kwa maana Ezra. Fut envoyé. Alitumiwa. Pour enseigner au peuple. Kufundisha watu. Le respect. Heshima. De Dieu. Ya Mungu. Le respect à sa parole. Kuheshimia neno lake. L'obéissance à Dieu. Utifu ya Mungu. L'obéissance à la parole. Kutii neno la Mungu. Dans toute leur vie. Mu maisha yao yote. Et dans tout ce qu'ils font. Na mwile yote beko nafanya. Oui bien aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Il s'est préoccupé plus. Alikuwa anahangaikia zaidi. Il est allé se préoccuper plus. Alienda kuhangaikia zaidi. De l'état spirituel. Ali ya kiroho. Ah, de ces exilés de retour à Jérusalem. Ya wale wafungwa walirudia mu Yerusalemu. Oui bien aimé frère et sœur. Dio ndugu na dada mpendwa. C'est ce qui doit préoccuper. Ile ndio inapaswa kuhangaika. Tous les véritables serviteurs de Dieu. Batumishi ya Mungu bote babia kweli. Les pasteurs. Bapastori. Les anciens. Wazee. Prédicateurs, vous voyez, Bonaona. Les diacres doivent se préoccuper plus kuhangaikia zaidi. De l'état spirituel. Hali ya kiroho. De l'église. Ya kanisa. C'est la chose capitale. Ndio kitu ya msingi ya mafaa kabisa. C'est vrai frère. Ya kweli ndugu. Si nous voulons voir Dieu, kama tunapenda kumuona Mungu, marcher au milieu de nous, tembea katikati yetu, nous bénir, atubariki, faire de grandes choses, afanye vitu vikubwa. Si nous voulons voir Jésus, kama tunapenda kumuona Yesu, nous chercher dans le mouvement, kututafuta, kutubeba, kunyanyuliwa. Notre état spirituel, hali yetu ya kiroho, doit être conforme à sa volonté. Inapashi kuambatana na mapenzi yake. Israël devait obéir. Israël alipashi kutii. À la volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Israël devait rompre l'alliance. Les alliances. Vous voyez. Unaona. Qu'il avait faites. Avec les nations. Na mataifa, avec l'idolâtrie. Na kuabudu kwa sanamu. Il devait se dégager. Kuachana, de toutes les influences. Yote, dangereuses. Ya atari, qui nuiraient. Leur relation avec Dieu. Il fallait kuharibisha mapatano yabo na Mungu. C'était ça le problème. Il est quoi ndio mambo munene. C'était ça le grand problème. Ndio ilikuwa mambo munene. Ah, d'Ezra. Ya Ezra ilikuwa ngaiko ya Ezra. Israël devait obéir. Israël alipashi kutii. À toute la volonté de Dieu. Mapenzi yote ya Mungu. Rompre l'alliance avec l'idolâtrie. Kukata muungano yote na kuabudu kwa sanamu. Et avec les femmes étrangères. Na kuachana na wanawake wote wa kigeni. Israël devait se dégager. Israël alipashi kuachana. De toutes les influences. Na mauvuto yote. Dangereuses. Ya hatari. Qui nuirait. Qui détruirait. Ne pas kupamua kwa licha. Les relations avec Dieu. Mapatano yabo na Mungu. Je pense que nous devons être aujourd'hui. Na wazia ndio kile tunapashi kuwa leo. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Doit se dégager. Na pashi kuachana. De toutes influence dangereuse, yote de toute influence démoniaque qui nuit nos relations avec Dieu. Il est naribisha mapatano yetu na Mungu. C'est vrai. Bia kweri. Restez dans la volonté de Dieu. Vakia mapenzi ya Mungu. Ne faire que ce que Dieu nous exige de faire. Kufanya paka kile Mungu anatulazimisha kufanya. C'est l'état spirituel. Jo hali ya kiroho. Ah, qui préoccupait Ezra. Jo ilikuwa na mangaiko ya Ezra. Et c'est cet état qui doit nous préoccuper. Jo ile naye anapashi kutuangaika na mangaiko ya. La parole de Dieu est déjà restaurée. Neno la Mungu basha irudisha. Comme nous qui vivons au temps de la fin. Tawa sisi wenye kuishi wakati wa mwisho. La parole de Dieu est déjà restaurée. Neno la Mungu basha irudisha. Voyez. Unaona? Mais aujourd'hui, c'est notre état spirituel. Hali yetu ya qui doit beaucoup nous préoccuper. C'est notre obéissance. Notre respect. À l'égard de Dieu. Et à l'égard de la parole de Dieu. Qui doit nous préoccuper. Nous devons nous dégager. De toutes les influences. Qui nuiraient à notre relation avec Dieu. Voilà ce que Dieu veut même aujourd'hui. Nous devons avoir de bonnes relations avec le Seigneur. Comme la Bible dit, soyez en paix avec tout le monde. Mais d'abord en paix avec Dieu. Alakini kwanza kwanza msalama na Mungu. Avec ta conscience. Salama na dhamiri yako. En paix avec l'église. Salama na kanisa. En paix avec ton frère. Salama na ndugu yako wala dada yako. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpeni. C'est pourquoi vous me voyez toujours. Choko mane kila mara mnanionaka. Quand j'apporte la parole. Wakati nangubiri neno. J'insiste deux fois sur les sentiments qui s'élèvent dans vos cœurs. Niku naweka mkazo yule ya mania ile naamuka mumeo yenu. Mambo aina bile huko nasema mkinyu. Ce qui est essentiel ce n'est pas ce que tu parles de la bouche. À l'égard d'un frère ou d'une sœur. Bele ya ndugu wala ya dada. Mambo ni ile ma sentiment qu'on a yonda na roho yako. C'est le sentiment que tu as dans ton cœur. À l'égard d'un frère ou d'une sœur. Bele ya dada wala ya ndugu. Mkinyu utawezi kusema. À la bouche tu peux parler. Mina penda muntu fulani. J'aime telle personne. Mais est-ce que matendo yako kunaonyesha kusema unaonyesha kumpenda? Tes œuvres prouvent que tu l'aimes réellement. C'est ça le problème. Jo mambo munene ni ile. Est-ce que ma sentiment yako? Est-ce que tes sentiments à toi là? Utaweza kuifunika mbele ya watu? Tu peux les cacher devant les gens? Est-ce que ma sentiment yako te funika mbele ya Mungu? Est-ce que tes sentiments tu peux les cacher devant Dieu? Dans ton cœur là. Mumoyo yako mule. Il y a un témoin que tu ne peux pas corrompre. Muku mushuda ula wezi kukata milomo. Ni dhamiri yako. Hawezi kukata milomo conscience yako. Tu ne peux jamais corrompre ta conscience. Ta conscience saura. Zamiri yako itajua. Si réellement tu as la crainte de Dieu. Kama hakika uko na boka wa Mungu au hapana. Si tu respectes Dieu ou pas. Kama unamheshimia Mungu au hapana. Si tu obéis à Dieu ou pas. Kama unamtii Mungu au hapana. Tes sentiments sont purs. Kama mania yako iko safi. Tes pensées sont pures. Kama wazo yako safi. Envers tout le monde. Mbele ya watu wote. Et c'était ça la préoccupation. Hii ndio ilikuwa hangaiko. Ezra. Ya Ezra. Le bien spirituel d'Israël. Bizuri vya kiroho ya Israeli. de leur état spirituel. Ya hali yabo ya kiroho. Ça, c'est sous Darius. Hii ni chini ya utawalo ya mfalme Darius. Troisième phase, c'est sous Artaxerxes. Sasa, kipande ya tatu ni utawalo ya mfalme Artaxerxes. Qu'est-ce qui a eu sous son règne? Ni nini ilifika mu utawalo yake? Ici, il y a Ezra, le sacrificateur, le scribe. Umu muku Ezra mukuani na baandishi. Un homme versé dans les Écritures. Mutu mwenye kujito mu maandiko. Qui voyage vers Jérusalem. Ula na safiri kuenda ku Yerusalema. Et deuxièmement, il y a eu un décret. Chapiri kuliko mpango wa mfalme. Un décret du roi. Mpango ya mfalme. En faveur d'Ezra. Kwa ajili ya faida ya Ezra. Troisièmement, kia tatu, Ezra était envoyé à Jérusalem. Ezra alitumwa kule ku Yerusalema pour mettre de l'ordre, kia kuweka usawa, et instruire les juifs de Juda, na kufundisha bayuda ba muyuda, avec la loi de Dieu, na sheria ya Mungu. Et quatrièmement, kia ine, le roi demanda à tout celui qui était disposé de partir d'aller avec Ezra à Jérusalem. Mufalme akauliza bale wote walikuwa tayari wapate kwenda na Ezra ku Yerusalemu. Cinquièmement, kia tano, il y a le roi uko mufalme, qui offre lui-même des dons volontaires, yeye mwenyewe analeta mazawadi au Dieu d'Israël. Anamtolea Mungu wa Israeli. Le roi lui-même en envoyant Ezra. Mufalme mwenyewe mkumtuma Ezra. Il a pris beaucoup de dons. Naye alichukua mazawadi ya kipendaro. Il les mis entre les mains. Il alipatia yo Ezra pour aller les déposer dans la maison du Dieu d'Israël. Ya kwenda kuiweka mu nyumba ya Mungu wa Israeli ku Yerusalemu. Et sixièmement. Na kia sita. C'est cet ordre. Ni ile usawa. Quel roi donna. Ile agizo mfalme Arleta. Tous les gouverneurs. Wabali wali bote. Qui régnaient de l'autre côté du fleuve. Bale barikuwa na tawale ngambo ya muto. De respecter. Ya kwamba baheshimie. Ce qu'il avait arrêté. Ile alichukua sawa mpango. En disant. Na kusema hivi. Quiconque n'observera pas. Yeyote ula este shimia. Ce qu'enseignera. Kile batafundisha. Ezra le sacrificateur, le scribe. Kwa Ezra ule mkuani mwandishi. Il sera mis à mort. Batamua. On lui demandera une forte amende. Batamulomba mande ya munene. Et on le mettra en prison. Na batamutupa mukifungo. Vous voyez. Munaona. Mais et certainement, vous remarquez kia saba, mutaona ya kwamba, que arrivé au pays, kisha kufika muinji, Ezra fit appel aux Lévites et aux sacrificateurs. Ezra aliita bakuani na balaawi. Et remit tous les trésors que le roi lui avait donné. Akabapatia zina yote ile mfalme alibapatia bale bachungaji baikalu. Munaona? Et huitièmement, kia munane, Ezra envoya maintenant les désordres. Ezra vilariona fujo mbruko. Il publia un jeûne. Akatangaza maombi ya kufunga chakula. Munaona. Il publia un jeûne. Akatangaza maombi ya kufunga chakula. C'était pour chercher la faveur de l'Éternel. Ilikuwa juu kutafuta faida ya wamilele. Et la protection de l'Éternel. Na kutafuta ukingo ya wamilele. Il a appelé le peuple à la repentance. Aliita watu wote wapate kutubu. Oui bien mes frères. Ndio ndugu mpendwa. Et le constat est si amer. Alakini vilionekana bitu bibaya mbele. Non, le constat konekana que Ezra avait vu. Ezra kule kuona kule aliona. À son arrivée était amer. Kisha yeye kufika aliona bitu bibaya. Il y avait le désordre. Ilikuwa fujo mvuruko. Dans le mariage. Mkuo wana. Voyez. Munaona. Les ennemis de la vérité ya ukweli, se trouvait parmi le peuple. Ya taifa, voyez, munaona, mais l'homme de Dieu wa Mungu, a dit la vérité au peuple. Alisema ukweli na watu, parce qu'il n'y a que la vérité qui délivre. Wani ni paka ukweli bien mes frères et sœurs, wa ici je m'adresse aux hommes de Dieu. Hapa ni kunambia batumishi ya Mungu. Ne faites jamais de compromis. Mushikafanyake kamwe masikilizano. Avec le péché. Nazambi. Dites toujours la vérité. Museme kila mara ukweli. Au peuple de Dieu. Wa taifa ya Mungu. Peu importe dans quel état il se trouve. Aizuru mwali kani banapatikana. Ceux qui sont de Dieu. Benye kwa ba Mungu. écouteront Dieu, batamusikia Mungu, ils se repentiront, batatubu, et ils répareront leur tort, na batatengeneza makosa zao, pour revenir à Dieu. Dieu kumurudiria Mungu. Un prédicateur, Mubiri, un ancien, mzee, un diacre, shemashi, ne peut pas regarder aux caprices du peuple. Hawezi kuangalia makaprisi ya taifa. Non. Hapana. Il ne peut pas regarder aux conséquences. Hawezi kuangalia kwa matokeo. Il regarde à l'objectif du mandat et de la parole que Dieu lui a donné. Yeye anaangalia kukifuguzio kwa kazi ile Mungu alimpatia. Dieu donne sa parole. Wakati Mungu anatuma neno lake. Sa parole a la puissance de vie. Neno lake iko na uwezo ya bujima. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu. C'est dans la parole de Dieu. Ni ndani ya neno la Mungu. La parole de la vérité. Neno la ukweli. Qui a solution à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer parmi les peuples. Quand vous apportez la parole, quand vous amenez une exhortation, si l'exhortation est inspirée par Dieu, ou la correction du peuple de Dieu, dites la vérité. Peu importe sa dureté, elle peut blesser, mais Dieu lui-même est puissant pour bander. Ceux qui sont de Dieu écouteront, mais ceux qui ne sont pas de Dieu, vous voyez bien mes frères, et ceux qui sont de Dieu se repentiront. Je n'ai jamais vu un seul chrétien, une seule chrétienne, un véritable enfant de Dieu qui est tombé dans une faute, à qui on a présenté la vérité, qui manquait de la reconnaître et de se mettre en ordre avec Dieu. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Et vous lirez cela dans Ezra chapitre 7, 8, 9 et 10. Vous voyez bien mes frères, et vous verrez tout ce qui s'est passé sous le règne du roi Assyrus. Vous voyez bien mes frères, et vous remarquerez que quand le peuple se met en ordre avec Dieu, il se sanctifie. Et quand le peuple se sanctifie, ils amènent la présence de Dieu au milieu d'eux. Banaleta uwepo wa Mungu katikati yabo. Bien aimés frères et sœurs, notre sainteté, butakatifu bwetu, notre vie sanctifiée, maisha yesu yetu nye kutakasa, la crainte de Dieu dans nos vies, boka wa Mungu maisha la crainte de Dieu dans l'église, boka wa Mungu mkanisa, amènera certainement, akika butaleta, la présence de Dieu au milieu de nous. Butaita uwepo wa Mungu katikati yetu. Si vous voulez Dieu au milieu de nous, kama unapenda Mungu akue katikati yetu, si nous voulons Dieu au milieu de nous, tunapenda Mungu akue katikati yetu, menons une vie sainte. Tuishi maisha takatifu. Si nous voulons la présence de Dieu au milieu de nous, tunapenda uwepo wa Mungu katikati yetu, soyons obéissants, tukue watiifu, et mettons en pratique, na tutumikishe, toute la parole de Dieu, neno la Mungu lote. Si nous voulons la présence de Dieu, kama tunapenda uwepo wa Mungu katikati yetu, ndugu, respectons sa parole, tuheshimu neno lake. Frère, Doko, quand Dieu vient au milieu de nous, wakati Mungu anakuja katikati yetu, la présence de Dieu au milieu de son peuple, uwepo wa Mungu katikati ya taifa lake, la solution, jojibu, à tous les problèmes du peuple, wa mambo yote ya wale watu, la présence de Dieu, uwepo wa Mungu, au milieu de l'église, katikati ya kanisa, apporte solution, unaleta jibu, et bénédiction, na baraka, à tous les problèmes, wa mambo zote, qui se retrouvent au milieu de son peuple. Kupatikana katikati ya taifa ya. La présence de Dieu, uwepo wa Mungu, amène la vie. Ikunaleta bujima. La présence de Dieu, uwepo wa Mungu, amène le salut. Inaleta wokovu. La présence de Dieu, uwepo wa Mungu, chasse toutes les maladies. Inafukuza magonjwa yote. Spirituel, ya kiro, comme physique. Na ya kimwili. La présence de Dieu, uwepo wa Mungu, chasse même la pauvreté. Inafukuza ta umaskini. Ya kiro, comme physique. Na ya kimwili. La présence de Dieu chassera au milieu de nous toutes les difficultés de tout genre. Magumu yote ya kila haina. La présence de Dieu wa Mungu, au milieu de son église, kanisa yake, c'est la solution, jojibu, à tous les problèmes des humains. Zote za watu. Quand Dieu vient, wakati Mungu anakuja katikati ya taifa ya Mungu, ni ya kuleta jibu kwa mahitaji ya bo. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Il vient communier avec eux. Anakuja kushiriki nao. Pour régler la situation. Ya kumaliza mahitaji yao yote. De quelle manière? Unamna kusema. Kama hata uko na mambo ya namna kani. Import le difficulté de vous appeler. Il pasteur hawezi kupata jibu. Que quelle passe ne peut pas donner solution. Hawezi kupata jibu. Donc ne peut pas mener la solution. Mama hawezi kupata jibu. Que ta mère ne peut pas donner solution. Donc hawezi kupata jibu. Que ton frère ne peut pas donner solution. Mais présence ya Mungu. Mais la présence de Dieu. Il t'a couleté à ma jibu. Ça t'apportera la solution. Pas des difficultés que tu as. C'est vrai frère. Bien quoi nduku. C'est vrai ma sœur. Bien quoi dada. C'est pourquoi nous voulons la présence au milieu. Je comment na tunahitaji uwepo wa Mungu katikati yetu. Ezra avait cette pensée pieuse. Ezra alikuwa na ile mawazo mzuri. C'est que nous voulons au milieu de nous. Jo ile tunapenda na sisi katikati yetu. Dans cette année qui vient à peine. Hata muhimu mwaka inaanza. Si l'église comprend cela. Kama kanisa inaelewa vile. Nous serons une église heureuse. Tutakuwa kanisa ya heri. Si la présence de Dieu est au milieu de nous. Wa Mungu katikati yetu. Kila ombi utaanza kuomba. Chaque prière que tu adresseras à Dieu. Atteignez-vous. Dieu va l'exaucer. Vous voyez. Unaona? Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit. Tout ce que vous demanderez en priant. Yote le mutaomba katika maombi. Croyez que vous l'avez reçu. Muamini ya kwamba mwisho pokea. Vous le verrez s'accomplir. Mtaiona kutimilika. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Ile yote mutaomba mujina langu. Je vous le donnerai. Amipatia yo. C'est ça la solution. Ile njo jibu. Celui qui vient à Dieu. Ule anamkaribia Mungu. Il vient Eko nakuja, sous l'ombre du Tout-Puissant. Chini ya kimvuri ya wawezo ote. Wakati uko chini ya kimvuri ya wawezo. Yote bitaendeka. L'église est avec moi. Toutes les choses iront bon train. Napenda kusimamisha. La présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Est la solution. Jojibu. À tous les problèmes. Mambo zote. Des hommes. Ya watu. Humains. Bakimwili. Des problèmes charnels. Mambo ya kimwili. Des problèmes physiques. Mambo ya mwili. Des problèmes sociaux. Mambo ya maisha. Des problèmes spirituels. Mambo ya kiroho. C'est la présence de Dieu. Uwepo wa Mungu. Il vient y trouver solution. Ndio inakuja kuleta jibu. Oui bien mes frères. Ndio nduku na dada mpendwa. Hata uko na gonjwa. Même si tu es malade. Utaomba Mungu atakutoa. Tu prieras, Dieu va te guérir. Hata kama una na kazi. Même si tu n'as pas d'emploi. Utaomba Mungu atakupa kazi. Dieu va te donner d'emploi. Hata kama una na salama. Même si tu n'as pas de paix, la prière à Dieu va te donner la paix. Même si vous n'avez pas d'argent, tu prieras à Dieu va te donner l'argent. Même si tu as besoin de n'importe quoi, la présence de Dieu vous l'accordera. Que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous pour la prière. C'est vrai, frère. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans cette église. Uwepo wa Mungu mwikanisa. C'est pourquoi. Je commande. Préoccupons-nous. Tuangaikie. De l'état spirituel. Hali ya kiroho. De nos âmes. Ya manafsi zetu. Que Dieu soit placé le premier. Mungu apate kuwa wa kwanza. Et le reste après. Na mabaki fati nyuma. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Prions-nous tous ensemble. Tuombe sisi wote pamoja. Seigneur.